Sorgia FM, Sorgia. Bonjour, bonsoir, très heureux de vous retrouver pour cette 801e émission de Rendez-vous avec vous. Je vous rappelle, à toutes fins utiles, que cette émission est rediffusée le dimanche soir à partir de 18h et le lundi matin à partir de 9h. Alors, pour celles et ceux qui éventuellement n'aurait pas été là, à l'endroit et à l'heure, peut être aussi à l'envers, c'est pas grave, il suffit d'être à l'heure. Voilà. Cette 801e, très sincèrement, elle ne sera pas pire, pas mieux que les autres. C'est une émission 801 de son nom, voilà. On va essayer, comme toujours, hein, de passer un agréable moment. Je crois que c'est le principal et c'est ce que vous attendez toutes et tous de cette émission. C'est pourquoi je vous propose de commencer tout de suite. Ah, faut que je vous dise, oui, on va commencer, mais c'est déjà fini. Il va falloir se dire adieu. Oh, enfin, on va faire avec. Faisait beau, mais que Naples était belle. Comme il était bleu, le ciel en ce temps-là. Tu m'as entraîné de ruelle en venelle. Quel était ton nom, je n'en souviens pas. Il ne m'est resté qu'un air de parenthèse. Une marionnette habillée de satin. Et toi qui riais en tirant les ficelles. Maintenant, je sais que c'était un jeu. Pour toi, le drôle de pantin, c'était moi. Adios, Virginia. pauvre pantin de mes amours. Manios Pélichinet, tendre copain de mes mauvais jours. Adios, Virginella, et sans regret et sans discours. Manios Pélichinet, dans ses aveux et départs sans retour. Adios, Pulcinella. Addio, Pulcinella. Eh oui, que voulez-vous? Mais nous nous retrouvons, nous sommes encore là. Nous ne sommes pas encore partis. Vous avez remarqué? Non, vous ne l'avez pas remarqué. C'est pas grave, parce qu'il n'y a rien de changé. Absolument rien. Simplement, c'est de l'amour. Vers toi s'élève maman, maman, maman. C'est ton amour qui jusque chou verse mon rêve. Mais la nuit qui descend dans le ciel vers une étoile, le corps caressant de la mer une voix, aucun frémissant qui devant toi se dévoile, m'y redonne ton cœur, ce son corps. Amor, amor, amor. Ah, petite coupure. Que voulez-vous? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ah, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Nous sommes en direct? Ah oui, bien sûr, nous le sommes. Nous le sommes et on va réparer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Elle m'a dit bonjour, sans faire de détour. Je veux te revoir, moi, comme j'étais heureux, l'amour était là. On parle beaucoup d'amour dans cette émission. Hein. Oui, on parle beaucoup d'amour parce que moi, j'y crois, l'amour. Enfin, j'espère que vous aussi, vous y croyez et que ce ne sont pas simplement quelques mots ou en tout cas des paroles. Non, non, c'est l'amour existe. Oui, oui, puisque vous êtes là, c'est que l'amour existe, n'est-ce pas? Allez, une petite hirondelle. Oui, ça va nous faire plaisir parce que avec Marie-Noël Curtena, il n'y a pas de doute, l'hirondelle est bien de retour. Prépare tes ailes à voler loin d'ici. Quand arrive l'automne, sans boussole, sans personne, tu rassembles tes petits. Dans la brume et le vent, sur un fil d'argent, vous restez réunis. Au lever du soleil, après un arc-en-ciel, il vous faudra partir. Oh ma douce hirondelle, je t'attends, je t'espère. Oh ma douce hirondelle, tu prépares tes ailes. Oh ma douce hirondelle, c'est l'hiver qui s'achève. Oh ma douce hirondelle, toi l'oiseau du soleil. Bateau blanc, flottant sur l'océan, tu attendras la nuit. Quand le jour reviendra sous le soleil bleu, il te

fiesta dans tous les balles, dans les dansines et toutes les guinguettes. Lorsque l'accordéon fit vivre sa musique, les couples dansent et chantent ce refrain magique. C'est la fiesta, mais surtout n'hésitez pas, sans plus attendre, laissez guider vos pas. Et d'une arme à l'espantine matador, d'un livre d'une femme, on sonne qu'à saignette du vieux Posillago, nous font perdre la tête. C'est la fiesta, aujourd'hui c'est la fête, tout le monde en place pour la fiesta musette. Oh! Oui, olé, olé, olé, c'était la fiesta, mais c'est encore la fiesta, puisque ce n'est pas fini. Et de toute manière, sur le 91, particulièrement dans cette émission, mais sur le 91 en général, on a des belles musiques. D'ailleurs, il y en a une qui est là. Et c'est marrant, cette musique, finalement, je l'ai découverte parce que on m'a un peu suggéré son titre. Figurez-vous que elle date de 1986. J'en connais une. Ah ouais, j'en connais une qui doit être là. Les oreilles comme les papillons, voire même comme les oreilles d'éléphant. Vous savez, ça bouge dans tous les sens. Pour elle attend, elle attend. Eh ben, n'attendez plus. C'est pour vous toutes et vous tous, bien évidemment, mais particulièrement pour quelqu'un qui se reconnaîtra. C'est bien pour oublier l'eau sale de Venise. Il y a des amoureux, je ne les vois pas. J'ai de la buée plein les yeux, mais ça va. Je te donne l'adresse, oh, écris-moi maman. J'ai besoin de tendresse comme un petit enfant. Donne-moi de tes nouvelles, mais ne dis rien. Non, ne dis surtout rien d'elle, rien de rien. C'est pour tous les solitaires que je chante ce thème-là. Ils sont des milliers sur terre. Ce soir, je suis de ceux-là. Ses lettres et ses je t'aime. Je ne sais pas comment, mais je m'en sortirai. Et je n'aimerai plus, non, plus jamais. J'ai rejoint l'avant.

laisse entrer le bonheur, fait qu'il garde sa place au fond de ton cœur. Finalement, on en a. En tout cas, celles et ceux qui sont à la retraite et qui peuvent écouter sans aucun problème Sorgia FM, le 91 et le 102.5, tout simplement. Et le téléphone qui sonne. Et c'est parti, mon kiki. assise. Tout le monde applaudit. Oui. Ben dites donc, vous avez entendu là, et toutes les personnes assises, eh oui, ben moi je le suis, hein. Je ne sais pas si vous vous l'êtes, mais moi je le suis, voilà. Allez, c'est les 80 printemps de Paulette, Paulette à Éloise, Paulette Bertrand. Alors, moi j'ai une petite histoire à vous raconter, tant pis, je dévoile un secret que certains connaissent déjà, donc finalement c'est pas vraiment un secret. Paulette, c'est une institutrice qui habite Éloise, et c'est la fille de mon institutrice. À l'époque où je suis arrivé, je n'ai pas un mot de français, Paulette apprenait l'italien, et moi j'apprenais le français. Et Paulette m'a appris l'italien, et moi, quelques paroles d'italien que j'ai pu lui, pas lui apprendre, parce qu'elle le connaissait déjà, mais l'expression, le parler, voilà. Donc Paulette, pour moi, eh bien, c'est quelqu'un que je n'oublierai jamais. Donc, pour Paulette, 80 printemps, de la part, de la part de Momos, d'Éloise, mais aussi de toute sa famille, de tous ses enfants, petits-enfants et tutti quanti, bien évidemment. Je m'associe de tout cœur à eux pour témoigner à Paulette toute mon affection. Et maintenant, j'ai une question à poser à Paulette. Et maintenant, que vas-tu faire, ma chère Paulette ? Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps ? Que sera ma vie ? De tous ces gens qui m'indiffèrent ? Et maintenant que tu es parti, toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient, et pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort. Oh, trop fort. Ouais, et maintenant, et que vais-je faire? Vers quel néant? Oui, sera ma vie. Mais tu m'as laissé, mais la terre entière, la terre, sans toi, c'est petit. Vous, mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien, on n'y peut rien. Même Paris, Paris, rêve d'ennui. Toutes ces rues, ces rues, mais tu es maintenant. Que vais-je faire? Je vais en vie. Pour ne plus pleurer, je vais brûler, ouais, des nuits entières. Ouais, au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs. Au moment de l'adieu, je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai plus rien. Plus rien à faire, plus rien à faire. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Yeah. je suis sûr que vous en avez fait des pas avec, avec cette, cette musique espagnacane. Eh oui, alors là, paso doble, et c'était parti. Hein. Ah là là, vous en avez foulé des planches, là, non? Oui, comme on dit, le plancher des vaches, à l'époque où vos gambettes étaient encore bien vigoureuses, elles ne le sont plus guère, elles sont peut-être bien... comme les miennes. Eh oui, que voulez-vous ? Le temps passe, mais rien ne s'efface. Non, non, non, tout reste et tout, on se rappelle de tout, de tout, de tout. Allez, et pourtant, on ne fait que passer sur cette terre, je vous le dis. Passer, mais je suis sans défense et mon cœur a flanché car je t'aime en silence. Voudrais-tu m'accorder simplement une danse? Ce serait là ma chance. Je ne fais que passer. Ce n'est qu'un refrain d'amour, un refrain d'espoir, que te chante un troubadour en rêvant le soir. La la la la la la la la la la la la. La la la la la la. Je ne fais que passer. Mais je suis sans défense et mon cœur a flanché car je t'aime en silence. Voudrais-tu m'accorder simplement une danse? Ce serait là ma chance. Je ne fais que passer. Ce n'est qu'un refrain d'amour, un refrain d'espoir, que te chante un troubadour en rêvant le soir. La la la la la la la. Fait que passer. fait que passer sur cette terre, mais on ne fait que passer aussi sur ces ondes de la radio, bien évidemment. Et puis, on passe, c'est vrai, mais on s'arrête. On s'arrête pour écouter, déjà, parce qu'il faut écouter les chansons. Et puis, on s'arrête également de blouser. C'est un mot un peu barbare, mais vous le comprendrez facilement. Allez, deuxième partie de cette émission, et c'est déjà parti. Reste avec moi. Ce n'est pas que je voulais partir, mais il fallait que je m'arrache à toi. Je brûle encore. Malgré tout l'amour que j'ai pour toi, de ta peau, ma peine est grande. Sur mon corps, mais tu ne la vois pas. Reste avec moi. Mon cœur frappe dans ma poitrine, c'est notre amour qu'on assassine. Tout en caresse. Mais pourquoi faut-il toujours que l'on trouve ce merveilleux amour, je suis à toi, qui à peine commencé nous sépare. Ne t'en va pas. Dans mes yeux se lève un gris. Je sens ce bref moment comme un coup de vent. Mon corps a foi. Et je t'aime pourtant. De l'absence de tes bras. Qu'est-ce qu'il faut dire de tout ça? On ne peut rien dire. On peut rien dire, on va simplement continuer parce que nous sommes là pour ça. Et nous allons écouter là maintenant. Haha. Je vous laisse découvrir. Je ne sais pas pourquoi à l'approche de Noël ça me revient. Chaque année plus fort. Il y avait ce petit garçon toujours à courir dans le vent du côté de la mer. C'était il y a longtemps, sur une plage de Normandie. Le père écoutait la radio, l'oreille collée sur le poste. « Ça ne va plus tarder, » qu'il disait. « Le grand jour, demain. » Alors le petit garçon allait les attendre, les Américains. Et quand ils ont débarqué par un matin de juin, le père a dit « Reste à la maison, petit, ça va faire du vilain. » Mais l'enfant, comme à son habitude, a couru dans le vent du côté de la mer. Tout autour, ça mitraillait. Mais là où il était, il y avait comme une île, ouais, un îlot de paix. Le soldat a dévalé du haut de la dune. « Hello, you, G.I. » Il était jeune, il était grand, il a souri. « Salut, petit, tu vas bien ?» Et il parlait français, ce drôle d'Américain. L'enfant ne l'a vu qu'une seule fois, et c'était ce jour-là. Tous deux se sont assis à l'abri, au pied de la dune. « Attends, petit, les autres vont arriver. » Malgré son drôle d'accent, ils se sont bien compris, malgré l'océan qui les séparait, mais grâce à des ancêtres qui les unissaient. « T'as du chewing-gum ? Tiens, petit, prends. On va peut-être bien vous débarrasser d'eux autres, à cette heure. Eux autres. » Justement, c'est à cause d'eux qu'il avait eu l'envie de partir et de quitter cette Gaspésie qui lui collait au cœur. Il disait « Par chez nous ». Et c'était le Québec. Il a raconté le lac Saint-Jean, les îles de la Madeleine, l'Acadie, le Mont-Royal. Et les mots sonnaient aux oreilles de l'enfant, car ils avaient traversé l'Atlantique. Le sergent les avait emportés avec lui, et puis les grands espaces, les longs hivers de neige, l'été des Indiens aux érables incendiés. Il parla aussi de son meilleur copain, mort la veille, et puis aussi du 22e régiment de Joliette. Il disait « la Légion ». Et il parlait du coquelicot cueilli au bord des champs quand on se fait une tache de sang. « Comment tu t'appelles ?»« Jacques, » dit le petit garçon. « Ah, nous autres, on en a eu un de Jacques, un grand, Jacques Cartier. » Et l'enfant comprit pourquoi il parlait la même langue, lui et le soldat. Sur un petit bout de papier, le soldat a griffonné son adresse et son nom. Son nom. Son nom, c'était Gaétan la Bonté, le même qu'il y a aujourd'hui sur une croix du grand cimetière plantée de bois blanc. Gaétan la Bonté, il l'a eu, sa tâche de coquelicot, pour avoir apporté la liberté, si loin de chez lui, à un enfant devenu son ami. Jamais je ne l'oublierai, cette espèce d'Américain d'un jour maintenant lointain. Une fois de plus, Madame la Bonté, je vous enverrai une carte pour Noël à Sainte-Rose-du-Nord, Québec. Car ce petit garçon, toujours à courir dans le vent du côté de la mer, ouais, ce petit garçon. C'était moi. Voilà, je crois que les belles histoires, il faut savoir les partager. Et il me tardait de partager celle-ci avec vous. J'imagine un jardin au pied de la montagne. Mon oncle et mes cousins sont ivres de spumante. Ils m'attendent en chantant, en frappant dans les mains. Et Paolo content de me revoir enfin. J'imagine un secret donné comme un cadeau. Un sourire échangé par-dessus le piano. Et des générations de chanteurs de fortune qui chantent à l'unisson pour un morceau de lune. Là où j'irai, à l'ombre des rochers du Monte Nerone. Là où j'irai, sur la terre où repose le père de mon père. Là où j'irai, il y aura des olives et du vin d'Italie, de la musique et des filles, des yeux d'enfants qui brillent. Là où j'irai dormir, quand je m'endormirai. Là où j'irai dormir. J'imagine une fête pleine de mandolines qui jamais ne s'arrête, où dansent mes cousines. Mes amis, mes voisins reviendront de partout, comme si tous nos chemins nous ramenaient chez nous. Là où j'irai dormir, dame, déjà les miens. Je veux y revenir comme un fils qui revient. Je veux dormir chez moi, fier comme un Italien. Dormir à Caissera, au pied de mon jardin. Là où j'irai, à l'ombre des rochers du Monte Nerone. Là où j'irai, sur la terre où repose le père de mon père. Là où j'irai, il y aura des olives et du vin d'Italie, de la musique et des filles, des yeux d'enfants qui brillent. Là où j'irai dormir, je là où j'irai dormir, quand je m'endormirai. Là où j'irai dormir, je sais bien comment c'est. Là où j'irai dormir, quand je m'endormirai. Là où j'irai dormir. j'ai changé les circuits de mon cœur pour gagner. C'est pas comme au flipper, faut de la douceur. J'ai changé les fréquences de mes nuits. Paris, c'est avec lui un amour passionnel, pas la charme, difficile décider, la vie robot pour que ça explose. Y a Corino Lodos en solo ou en duo, j'arrête pas la musique, j'éteins pas la radio, j'aime les Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Asciughi quella lacrima. tornerò. Com'è possibile un anno senza te? Adesso scrivi, aspettami, il tempo passerà. Un anno non è un secolo. Tornerò. Com'è difficile restare senza te. Cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere. Ricominciare insieme, ti voglio tanto bene. Il tempo vola, aspettami, tornerò. Pensami sempre, sai, e il tempo passerà. Pour vous mettre l'eau à la bouche avec cette chanson Tornerò. Eh oui, c'était pour vous mettre l'eau à la bouche dans... Allez, moins de 5 minutes. Oui, moins de 5 minutes et puis ce sera le quart d'heure italien. Et vous verrez, il y a encore de quoi faire avec les ritales dans cette émission, bien sûr. On est toujours là ? On est toujours là, fidèle au poste. Et puis voilà, hein. Moi qui n'ai su aimer vraiment aucune des femmes de ma vie, je crois que je sais maintenant pourquoi je n'ai jamais grandi. À force de toujours chercher à travers elle une autre toi, je crois que je me suis trompé d'histoire d'amour à chaque fois. Si j'ai toujours été, c'est vrai, de tes deux fils, le mouton noir. Dieu sait combien tu m'as aimé, tu n'as jamais cessé d'y croire. On a fait les 400 coups, et toi tu nous pardonnais tout. Et tu trouvais toujours les mots pour excuser tous nos défauts. Et si le temps t'arrache à moi, faut vraiment que tu saches, crois-moi. Tu resteras comme une flamme, tu resteras la seule femme. Je veux pas que tu partes, non pas maintenant. Demain, plus tard, on a le temps. Débrouille-toi comme tu voudras, mais surtout non, ne t'en va pas. je veux pas que tu partes, c'est bien trop tôt. On doit fêter tes noces d'or. Sarah s'est choisi un chapeau. Tu ne peux pas partir encore. Là-haut, là-haut, là-haut, pas de fleurs, pas d'oiseaux. Là-haut, là-haut, pas d'enfants de cerceau. Là-haut, là-haut, là-haut, y'a rien à voir. N'y va pas, je ne veux pas. Reste avec nous, reste avec moi. Sur les routes de nos voyages, c'est toi qui montrais le chemin. Toi qui avais tous les courages et qui tenais tête au destin. Je t'en ai fait des cheveux blancs, des rides au creux de ton visage. Toi qui as dompté tous les vents, montré de quoi tu es capable. Et si le temps t'arrache à moi, faut vraiment que tu saches, crois-moi, tu resteras comme une flamme, tu resteras la seule femme. Je veux pas que tu partes, non pas maintenant, demain plus tard on a le temps. Débrouille-toi comme tu voudras, mais surtout non, ne t'en va pas. Je veux pas que tu partes, c'est bien trop tôt, on doit fêter tes noces d'or. Sarah s'est choisi un chapeau, tu ne peux pas partir encore. Là-haut, là-haut, là-haut, pas de fleurs, pas d'oiseaux. Là-haut, là-haut, pas d'enfants de cerceaux. Là-haut, là-haut, là-haut, y'a rien à voir. N'y va pas, je ne veux pas. Reste avec nous, reste avec moi. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5, le quart d'heure italien. Una promessa, tu mi chiedevi, e la mia voce. stare vicini qui sulla riva del mare, guardare all'orizzonte la vela bianca che va, lento tramonta dal sole, mi guardi senza parole e nei tuoi baci io sento il profumo del mare. Amore c'è nell'aria stasera, un profumo di mare, un dolce tepore che invita a sognare. Guarda il gabbiano nel cielo, col suo volo leggero ricama di bianco l'azzurro del mare. Soli sulla sabbia dorata disegniamo due cuori che l'onda del mare poi cancellerà. Se ci vogliamo profumerà di mare il nostro amore. È già spuntata la luna, brilla una stella lontana e nella notte serena un canto verrà. Amore c'è nell'aria stasera, un profumo di mare, un dolce tepore che invita a sognare. Piano nel cielo, col suo volo leggero ricama di bianco l'azzurro del mare. Soli sulla sabbia dorata disegniamo due cuori che l'onda del mare poi cancellerà. Insieme profumerà di mare il nostro amore. Se ci vogliamo bene, vivremo sempre insieme. Ce quart d'heure italien, bien sûr, de l'accordéon, bien évidemment, parce que c'est un instrument qui ne mourra jamais. Elle est toujours là et elle sera toujours là. En tout cas, nous l'espérons et nous le souhaitons vivement. Pour le moment, nous en profitons et tout va bien. Sempre più. Che succede mai? Son diversi gli occhi tuoi, c'è nell'aria un'atmosfera che spiegare non saprei. quart d'heure italien sur le 91. Ça, c'est un quart d'heure italien. C'est une histoire de femme que vous allez tout simplement entendre, écouter maintenant. Continua. passatempo è un'avventura che fa l'uomo la testa girare da quando se ne innamora. E allora quando una donna vuole, lei ti innamora. È un tricolore al vento, è una bandiera. La donna con un sorriso e un bacio ti fa impazzire. È il veleno più dolce che c'è, baciando ti fa morire. Sesso debole si fa di amare, sesso debole per ingannare, sesso forte re invece è. Credete a me. Quando una donna vuole il matrimonio, soltanto il tuo bel viso. Questo è il momento, sai, che ho tanto atteso. Quanti baci e momenti d'amore, quanta felicità. Cielo, amor, sempre sereno sarà, ed anche il tempo, sai, si fermerà. Dolce una musica, solo per noi suonerà, la nostra favola mai finirà. C'est bientôt fini, hein? Oui, c'est bientôt fini. Caro violino, suona e non fermarti mai. Suona la melodia che piace tanto a lui. Riporta la mia mente dove tu solo sai, ovvero tanto amato, amato più che mai. Sulla sabbia luminosa, calda come la sua pelle, tu riportami nel sogno, in quell'angolo di stelle, suona ancora mio violino, la canzone del mio. Fammi ancora riprovare l'emozione dell'amore. La musica è finita, ma certo tu lo sai, che quella melodia non può finire mai. Se un giorno terminasse, allora morirei. Perciò violino suona, riportami da lui. Sulla sabbia luminosa, calda come la mia pelle, io t'aspetto come sempre, in quell'angolo di stelle, suona ancora il tuo violino, la canzone del tuo cuore, potrai sempre riprovare l'emozione dell'amore. C'est la toute dernière, et c'est celle-là. Thank you.